que tu as, Christine, t'es là? Oui. Alors, Christine, t'as des trucs à nous dire, des révélations à nous faire sur Gérard? Oui. On y va. Allô? On t'écoute, Christine. Gérard, des fois qu'il va aux toilettes, il se lave pas les mains. C'est-à-dire que tu veux dire, il va faire caca et... Et puis oui, il se lave pas les mains. Ouais. Ouais, puis t'allais voir... Et après, puis... il te caresse le cou. Après, tu... Et après, il te propose un massage. Après, il va aller boire son vin avec. J'ai la gueule du GG. Parce que je me le suis tapé dans le train en face de moi. Et j'ai la gueule, je le vois en train de chier. Même pas regarder s'il est propre. Allez, deux, trois coups de feuille. Vas-y, t'en as plein les doigts. Bon, ma chérie, c'est bon. Je te fais un massage. Et t'as la belle Christine qui s'allonge à poil. Et vas-y, je te mets du gras sur le corps. Oh putain, pour voir que ça remplace l'huile de massage. Hein. Ouais. Ensuite. Puis des fois qu'il fait l'amour, il se tape pas, il dort comme ça. C'est-à-dire qu'il fait l'amour avec moi, par exemple. Par exemple, ouais, c'est un mauvais exemple, mais bon, par ouais, exemple. Il se tape pas le zizi après, il dort comme ça. Comment ça, il se lave pas le zizi? Bah qu'on fait l'amour, on se lave après. Bah oui, bien sûr, mais on se lave. Mais il se lave pas. Ah, il se lave pas, lui. Non, il dort comme ça. Et le lendemain, il se prend une douche? Ouais, le lendemain, il prend une douche. Ah bah quand même, alors. Bah oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a... En vérité, il a mis son coton-tige dans le cul. C'est vrai. Non, mais c'est vrai? Bien sûr, je te jure. Non, sans déconner. Non, je rigole pas, putain, ça c'est vrai. J'espère que notre Gérard écoute, hein, il va falloir qu'il appelle pour témoigner, parce que... Donc il se met un coton-tige dans le cul, c'est vrai? Bien sûr. Putain, et qu'est-ce qui lui a pris? C'est du jour au lendemain qu'il a décidé de se mettre ce coton-tige? Lui, il nous dit que non. Hein. Ah bah c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il se mettait un coton-tige dans le cul. Bah oui, moi je m'en parle, hein, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à nous dire? Mais des fois, il fait pas... Il est un peu feignant parce qu'il fait pas sa vaisselle, puis chez lui c'est sale. C'est dégueulasse. Et alors? Et ben, il fait pas son ménage. Il y a cette poussière, il y a son chat qui fait pipi dans son lit. C'est vrai? Ouais. Et alors, est-ce qu'il change les draps? Non. Même pas? Non, parce qu'après il change les draps un peu plus tard. Ah, quand même, alors il finit par le faire alors. Ouais, un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est-à-dire deux, trois semaines après? Deux semaines après. Bon. La première fois que je suis venue chez lui, j'ai fait tout le ménage à fond, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse? Ah ouais, même les toilettes, c'était du noir partout. il tire la chasse quand même à chaque fois. Non, ça dépend des jours. Ah, il y a des jours où il a pas envie de tirer la chasse? Non. C'est-à-dire? Parce que lui, il nous a dit que tu prenais des douches le matin, le midi et le soir. Ah bon, bah, dis donc, c'est nouveau ça. Ah, tu prenais jamais de douche? De temps en temps, mais pas trop, pas tout le temps. Il disait que toi, tu prenais des douches trois fois par jour. Ah, moi, tous les jours, moi. Bah oui, mais il disait que c'était trois fois par jour et que ça lui coûtait cher en eau. Et qu'il avait des factures de plus de 1000 francs à cause de toi. Bah oui, je prenais ma douche tous les jours. Ouais, mais trois fois par jour? Bien sûr. Ah, carrément? Ouais, ah, bah, c'est très propre, moi. Ah bah oui, c'est un peu trop même, non? Ah non, moi, je suis un peu maniaque. J'aime bien me laver propre. Ah, t'aimes bien te laver propre. T'aimes pas te laver sale? Non. D'accord, ok. Ouais. On a notre Gérard, apparemment, qui a téléphoné. Ouais, qui il vient d'appeler, ouais. Ah, il voudrait te parler, apparemment. Alors, je vais te le passer. Gérard, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir, ça va, Gérard? Ouais. On t'écoute? Ouais, alors, c'est quoi ces conneries, là, que tu racontes, Christine? Hein? C'est quoi ces conneries, là? C'est la vérité. Attends, c'est la vérité. Bah oui. Je suis désolé, hein, pour prendre des douches trois fois par jour, ça me rapporte, ça me fait des factures de plus de 1000 balles, hein? Eh ben, j'ai le droit de me laver, hein. Ouais, t'as le droit de te laver, hein. Mais va pas dire que je me lave pas la quéquette après qu'on ait baisé. Tu te laves pas, tu pues, toi. Moi, je pue. Oh, ouais, bien sûr. Fous-toi de ma gueule, hein. Ah oui. Hum? Ouais. Et c'est la vérité, t'es un menteur, tu respires comme un menteur, toi. Ouais, je respire comme un menteur, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, allez. Ouais, ouais, de toute façon, tu t'amuses à chaque fois à raconter des conneries sur mon dos. C'est la vérité, ouais, parce ouais, que t'as menti. Comme l'histoire des cotons-tiges. Hein. Ah, ça c'est vrai. Ah, ça je voudrais bien savoir qui c'est qui l'a inventé, ça encore. Non, ça c'est vrai. Moi, ouais, c'est vrai. Bien ouais. sûr. Quand c'est que je faisais ça? Hein? Je le faisais quand, ça? Que j'étais avec toi, je suis pas une menteuse. Ouais, négatif, jamais fait. Menteur. Non, négatif. Avec tes oreilles de Mickey, là. De quoi? Tu mettais des oreilles de Mickey aussi. Ouais, bien sûr, la queue de Donald, tu l'avais où? Ouais, c'est ça, c'est moi qui te l'ai donné en plus, elle est grave. Hein? C'est moi qui te l'ai donné, les oreilles de Mickey. N'importe quoi. Arrête de mentir, eh. Ouais, les oreilles de Mickey, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais oui, c'est ça. Bah ouais. Mais oui. Continue de raconter des conneries. Fous-toi de ma gueule, c'est bien. Bien sûr. Continue, mais ouais, c'est bien. Alors, continue. Excusez-moi, je me suis assenté chercher des carambars. Alors, qu'est-ce que t'as à dire, toi, sur Christine, Gérard? Ouais, ben, moi, je tenais à lui pardonner tout ce qu'elle avait dit sur moi. Oh. Et je serais prêt à ressortir avec elle, même si elle ne veut pas. Mais je tenais à te dire que j'ai pas arrêté de penser à toi pour les fêtes de Noël. Et que je reste quand même fou de toi, malgré les conneries que tu racontes sur moi. Oh, c'est beau ça! Et je voulais aussi te dire que je t'aimais très fort. Alors, Christine? Hein? Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah, bah, j'ai quelqu'un, moi, j'aime mon petit ami, hein. Oh, comme par hasard! Voilà. Alors, ça, c'est dommage, parce que maintenant, tu pourrais peut-être plaquer ton petit ami et retourner avec l'homme. Ah, avec... non, je suis fiancée, j'étais fiancée. Carrément? Ouais, vas-y, tu le largues et puis c'est bon. Est-ce que. C'est pas l'homme de ta vie alors, Gérard? Non. Bon, attends. Christine, tu sais très bien que nous deux, c'était beaucoup mieux qu'avec l'autre. Hein. Ah non, il est mieux que toi, il est plus propre que toi. C'est ouais, les gens bien propres. Sûr, ouais. Bon, alors, Gérard, je reconnais, j'ai du mal à reconnaître ouais, ta voix. Moi, je vois l'Ascar, là. T'es le vrai Gérard ou le faux Gérard? J'ai des doutes, là. Moi, je suis le vrai Gérard. T'es le vrai Gérard, t'es sûr, hein? Ah ouais. Au cas où, on laisse le studio, on laisse le bureau allumé, au cas où, il y aurait le... Ouvre le... Si... Pour vérifier si c'est bien le vrai Gérard, parce que j'ai l'impression... Oula, oui, il y a le tatou qui sonne, ça doit être le vrai ouais. Gérard. On était où ce week-end, Gérard? Dans quel pays? On était en Belgique. Ouais, d'accord, ok, donc c'est bien le vrai Gérard. Des fois, j'ai des doutes, des fois, j'ai l'impression que c'est le faux. Si le vrai Gérard nous écoute, qu'il nous appelle dans le bureau au cas où, parce que qu'on vérifie, on va laisser la porte un peu entrouverte. Ouais, continuez du studio. Vos conneries de faux et de vrai, hein. Ouais. Christine. Oui. T'as pas envie de lui dire un petit mot doux quand même à Gérard? Mais Christine, moi, je t'aime. Moi, je t'aime pas. Au début, t'étais sympa, puis après, t'étais méchant. Qu'est-ce qu'il a fait? J'étais méchant. Qu'est-ce qu'il a fait de méchant alors? Bah, il buvait, ça m'a fait beaucoup fait mal, c'est ça qui est. Ah oui, il buvait beaucoup, ouais.